alors que ces jours sont des jours de chagrin. Toi en paix, dormant en silence, dans un monde inconnu, immobile et lointain. Esther Coleridge. Le lendemain matin, je me suis réveillé découragé à cause d'un cauchemar. Tu étais morte. Je me suis réveillé pour trouver ta chambre vide. Elle m'a quitté, oui ma soeur m'a quitté. Mes regards roulaient sur ton lit sans surveillance, comme des gouttes de pluie dans la tempête, incapable de franchir les murs et les plateformes. Elle m'a quitté, oui ma soeur m'a quitté. Mon père est monté les escaliers et m'a étreint sans exprimer ses larmes, comme notre cœur avait besoin de tes petites mains pour palpiter. Le lendemain matin, je me suis réveillé, découragé, à cause d'un cauchemar où tu étais morte. Je me suis réveillé pour trouver ta chambre vide. Elle m'a quitté, oui ma soeur m'a quitté. Mes regards roulaient sur ton lit sans surveillance, comme des gouttes de pluie dans la tempête, incapable de franchir les murs et les plateformes. Elle m'a quitté, oui ma soeur m'a quitté. Mon père est monté les escaliers et m'a étreint sans exprimer ses larmes, comme notre cœur avait besoin de tes petites mains pour palpiter.